un canon, une beauté. Mais je t'aimerai toujours. Tu t'enfuis avec lui. Le vrai bonheur, enfin. Mais je t'aimerai toujours. J'étais ton tout premier. Histoire inachevée. Mais je t'aimerai toujours. Il est mince et si beau. Holy, oh, oh non. Je t'aimerai.